Et le jour où nous les rassemblerons tous, puis diront à ceux qui auront donné des associés : Où sont donc vos associés que vous prétendiez ?